enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Ses yeux d'émeraude et son rugissement, voilà ce qui décrit mon félin de diamant. Bien sûr, il y a ses ailes dont chaque battement fait trembler la terre et le ciel. L'azur, le firmament. Et nous traversons le cosmos dans un ciel étoilé. Moi-même et mon tigre féroce, mon tigre ailé. J'ai un tigre ailé entre mes mains. Je n'ai besoin de personne, besoin de. Vous êtes un bon animateur de foule. Vous êtes... bon, attendez un peu. style metal de foule. Il me semble un peu frénétique. C'est sans doute de me rencontrer après Jimmy Bembricks, qui nous a fait une petite chanson comme ça, insipide. J'ai bien dit insipide. On retourne dans la salle. Et moi, je vous interprète le référendum. 1, 2, 1, 2, 3. On y va-tu avec la carpouille, Yamel, ou... Chante. Oh, pas celle-là. Pardon? Non, je ris. On va se faire un petit référendum. Dum didi dum didi dum. On va se faire un petit référendum. Dum didi didi dum. C'est ce que ma femme me dit tout le temps. Chaque fois qu'on pogne un argument, respectons la démocratie, même s'il est question de se mettre au lit. Oui, c'est un tantinet osé. Donc, je m'excuse pour les familles que je n'avais pas averties. Ce qui suit ne précède pas. C'est ce que ma femme me dit tout le temps, chaque fois que je pogne un argument. Respectons la démocratie, même s'il est question de se mettre au lit. Quand moi ça me tente, quand moi je vois oui, à chaque fois elle c'est non merci. Puis les rares fois, moi que je dis non, elle me dit pour trancher la question. Écoute. On va se faire un petit référendum. Dum dali dum dum dum. On va se faire un petit référendum. Dum dali dum dum. Comme on est en... Ah oui, attention, madame. Comme on est... Vous l'avez manqué, celle-là, hein? Comme on est rien que deux à voter à la maison, Marie pis moi, à chaque fois qu'il y a une discussion, nos votes s'annulent comme... Comme deux ans. Moi, je me dis que c'est... Ah oui, oui, je me le dis souvent, ça. Moi, je me dis que dans ces conditions, il reste rien que la séparation. Mais Marie, ma femme, me répond, prends pas tout seul la décision. Ben non, je suis pas capable. Je suis pas adapté intellectuellement. OK. Comme le Québec, on va se faire un petit référendum. Dum de di dum de dum. On va se faire un petit référendum. Dum de di di di dum. Dum de di di di dum. Dum de di di di. Dum de di di di. Dum de di di di dum. Pom pom. On va se faire un petit référendum. Dum di di di di dum dum dum. On va se faire un petit référendum. Dum di di di di dum. C'est ce que ma femme me dit tout le temps. Chaque fois qu'on pogne un argument, respectons la démocratie, même si est question de se mettre au lit. Quand moi ça me tente, quand moi je vote oui, à chaque fois elle c'est non merci. Puis des rares fois que moi je dis non, elle me dit pour trancher la question. On va se faire un petit référendum. Dum di dum di dum dum dum. On va se faire un petit référendum. Dum di dum di dum. Comme on n'est rien que deux à voter à la maison Mary pis moi, à chaque fois qu'il y a une discussion, nos votes s'annulent comme de raison. Moi je me dis que dans ces conditions, il reste rien que la séparation. Mais Mary, ma femme, me répond, prends pas tout seul la décision. On va se faire un petit référendum. Dum di da di di dum dum dum. On va se faire un petit référendum. Dum di da di. Merci. Tu cherchais le point du micro? Non, pas le point G du micro, mais c'était le cylindre dans lequel j'enfonce le manche. Toujours du micro. Tout se passe dans le micro, là. Croyez que vous, si je me lance dans... Je me lancerai pas, là, mais si vous popularisez mes talents de chanteur, y a-t-il quelque chose à faire avec ça, monsieur? Ouais? Ben, parce que moi, j'ai demandé à un impresario. Ben oui, mais c'est important d'être bien entouré. Là, attendez un peu. Parce que ce qu'il faut savoir quand on commence à avoir du succès comme moi, là, tranquillement, là, vous allez me dire, ben oui. Arrête de te l'enfler, mon guignol. Arrête de te l'enfler. Je répondrai à ces insipides personnages qu'elle enfle tout seul. Tu es asthmatique, moi? Non, c'est les allergies du mois de juillet. Hey, 1er juillet, hey, j'ai déménagé. Mais avant, là, allez, on va parler à mon impresario. Puis après ça, on va parler du déménagement au Québec. Puis parce que là, c'est assez inusité ici. Ici, couché, ici Québec, couché Québec. Elle branle la queue. Elle aime ça, elle se fait rappeler Québec. Le prochain compagnon ou compagne que j'aurai, poilu. Moi, c'est des cheveux que je veux, c'est pas du poil parce que je suis allergique au poil. Donc, j'ai pas grand choix. Il y a le Yorkshire, mais... Un Yorkshire, ça sniffe, mon gars, puis ça dépense tout ce que t'as acheté. C'est très nuisible pour ton, sans doute, portefeuille. Non, pas sans doute, pour ton portefeuille. Puis moi, ben écoutez, j'ai pas un compte en Suisse, là. J'ai même pas un compte dans le Bruyère. Bruyère. C'est des fromages. Jeu de mots. Puis encore moins dans un compte de mozzarella. Quoique mon fromage préféré, ça... Puis c'est pas compliqué, là. Avec moi, c'est jamais... Hein, vous remarquez depuis, 11 ans et demi? Pour moi, c'est jamais compliqué. Oh, c'est tellement simple. Puis il faut pas verser quand tu dis simple dans le côté simpliste. On n'est pas loin, là. Simple, simpliste. C'est quoi? C'est 5 plis de plus? 5 plis? Mais, c'est... OK, vous avez mon impresario en ligne. OK. Allô, mon impresario. Et monsieur, digestion compliquée. Voulez-vous qu'on vous rappelle? Là, vous occupez de ma carrière, vous, là. Écoutez, je vous laisse 2 petites minutes. Allez prendre une douche froide. Revenez-nous, ça va bien aller. OK. Merci. À tout à l'heure. OK. Bon. Là, on lui laisse une chance. OK. On lui laisse une petite chance. Puis, on va vérifier par la suite si on peut rencontrer cet individu. Comme disait Claude Poirier, cet individu. Mais pour le moment... On met ça sur le... Comment t'appelles ça? Sur la chaufferette? Sur le saucisson. Saucisson chaufferette. Pain en sous. Parce que si tu mets pas de pain en sous, en dessous. En sous, moi je dis en sous, en monnaie, en menu monnaie. Quoique, quand tu regardes une toile de monnaie, c'est pas menu, là. C'est quelque chose. C'est une architecture assez douloureuse pour l'œil. Pas douloureuse, non. Jouer, c'est... Bon, les puristes me diront, ils m'appelleront sans doute par les internets. On peut-tu nous appeler sur les internets? Bon, il y a Gaétane qui me dit, je sais pas, elle hausse les épaules, mais il me semble que ça fait à peu près 2-3 semaines que tu hausses les épaules, ma petite championne. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu en mode de négativisme, là? Je sais que dans la période de l'adolescence, c'est ce qui arrive. Mais toi, tu vas avoir quoi, 32 balais? Bon, peut-être que la période est terminée, là, hein? On n'ira pas en supplémentaire, s'il te plaît. On appelle ça progresser. Progresser, hein? s'impressionner nous-mêmes aussi, ça fait partie de la... Mais surtout, s'impressionner. Les artistes sont les premiers à se... J'allais dire s'autosatisfaire. Quelle horreur, madame, je le sais. Bon, vous êtes une pianiste du dimanche. Les pianistes s'emmerdent le dimanche, surtout quand il faut plier, plier le dos, le ré, le dos, le ré, avec le doigt, pas le diré. Le piano s'emmerde le dimanche parce qu'il veut jouer pour nous-mêmes. C'est régurgitation, Nel. C'est la régurgitation. Ça monte vers le... Tu manges, c'est comme deux fois. Hein? La vache. Mais celle qui rit pas, là, la vache qui est couchée, qui rumine, deux estomacs. On dirait que mon émission, c'est ça. Il faut que ça passe par le premier estomac. Vous l'entendez là, dans une émission précédente, puis vous le réentendez plus tard. Vous dites, ouais, il me semble que... Il commence un petit début de problème technique, lui, là, là. Et puis ça garantit, puis il n'y a personne qui veut le reprendre. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Est-ce que la société va vouloir s'occuper de lui? Est-ce que le gouvernement va vouloir s'occuper de lui? Il n'y a jamais, c'est l'insignifiant. Le trou de pète n'a jamais joué dans les casinos. Donc, il n'a pas donné gracieusement. Les gens, on sait bien que les gens qui vont jouer dans les casinos, c'est parce qu'ils gagnent beaucoup de sous. Puis ils ne payent pas assez d'impôts. Ils se disent, hey, non, non, ouais, ouais, ouais, voyons donc. Je me sens comme... Je fais pas partie de la société, là. Je gagne trop de fric. Faut que j'aille en dépenser directement au gouvernement. C'est où le gouvernement, là? Ah, OK, c'est casino. Casino, j'y vais. J'y vais. Today. gavial de Pierre Bagny. Dans la cruauté cannibale, la férocité inouïe, les classes au top de toutes les espèces en voie de désintégration. Mais si tu finis par la voir, tu pourras faire le beau dans les bars de Shanghai, Jakarta ou Bornéo. En faux léopard avec un jean en sky, une cape, un sac, des bagues et des boots et des lunettes en écaille. Crocodile, crocodile, crocodile. Ni pitié ni cadeau, mais on tenaille entre les coups du crocodile. Ni drapeau ni médaille serré dans les mâchoires du crocodile. Crocodile, crocodile, pris dans ses entrailles. Crocodile, crocodile, pris dans ses entrailles. Je donnerai pas cher de ta peau. Que là, ils s'en vont là, puis ils donnent toute leur dû, puis tant mieux, ils en ont de l'argent à donner. Moi, j'en donne, et puis t'en veux-tu, toi? T'en auras pas, tu fais pas partie du gouvernement. Bon, moi, si je peux contribuer au rouage sans le savoir, c'est ça le problème. C'est ça le grave problème de tous les jeux. Que ce soit la gratouille. La loterie dans laquelle on prend une monnaie, une mini-monnaie, puis on frottille sur un carton pour avoir trois chiffres identiques, et pouf, on gagne le chiffre, on gagne le montant. Oh, c'est merveilleux, on gagne jamais. Ben non, c'est certain. Faut pas gagner, c'est pas le but de la manœuvre. T'avais-tu compris ça, toi? Que la société, ce qui... Ben pas la société, le gouvernement, ce qu'il veut là-dedans, c'est que tu leur donnes l'argent que t'as en trop, parce que t'en as en trop, tu te places ça là-dedans. Quelqu'un qui est tout à fait allumé se dira, écoute, moi je vais m'acheter un bon steak, là, tu sais, un brontosaure presque vivant, là, s'il te plaît. Bon, ça coûte cher, mais écoute, ne dérange pas, au moins je vais le marrer. Marrer, puis... Merci, merci monsieur, vous me l'avez vendu. Monsieur le boucher, vous êtes vraiment l'homme le plus compétent en la matière. Quand je vous parle de mes goûts gustatifs, vous rapidement vous allumez. Vous me donnez toujours une satisfaction exceptionnelle. Les vinaigrettes, les recettes que vous m'offrez, bravo, bravo, bravo. Je retournerai vous voir, ne vous en faites pas, parce que je suis un épicurien, mais même Épicure n'était pas épicurien. Ça a été encore calvaudé. On a donné un titre à une personne, bon, là, je suis un individu, à une personne qui... Oui, mais pas vraiment. Tu sais, c'était... Pas vraiment. Mais aujourd'hui, ce soir, on va prendre, cette nuit, on va prendre le terme épicurien. Bon, après un bon steak, mon boucher m'a tranché avec beaucoup de joie. Là, je le voyais, là... Hein? Avec sa pièce de viande. Avez-vous lu le boucher de Rice? Je pense que le trombone, le parfum, c'est pas la même personne. Non, mais c'est la fille à Rice, là, le boucher. Livre totalement troublant. Je l'ai lu lorsque j'étais ado. Maintenant, je suis arrêté. Oh! Pas taré, mais arré. Ben oui, taré, pas loin. Ré, doré. Je vais me rendre ami. J'aime simplement, là, lorsque tu te retournes, parce que là, il y a do, ré, mi. Un dieu Roger. Do, do, ré, mi, fa, sol, la, si. qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on retourne au do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la mort. Puisque nous sommes couchés sur le dos. Do, la naissance du début. Do, la finalité. Do, ré, mi. Je suis rendu à mi. Le fa. Fabulation, c'est déjà commencé. Moi, l'émission existe depuis combien d'années, madame? 11 ans. 11 ans, 3 quarts et demi. C'est stretché, ça. C'est élastique. On disait ça dans les années 70. Un terme anglophone, bien sûr, stretché, que j'aurais jamais dit lorsque j'avais 20 ans. Là, imaginez-vous que j'essaie de prendre la chanson de Reggiani. En le nommant, ça me revient. Je joue même faux à la bambine la blabim. Hey, mais là, tu montes trop haut, mon champion. Tu montes. Faut que la gorlotte descende puis que la voix monte. Est-ce que je peux rappeler mon impresario? Hey, t'as du fil! Oui, mais moi j'ai dit oui. Puis surtout. Surtout qu'on dit j'ai du fil à record. À record, record, record, ray, ray, ray, ray, ray, ray. Oui, oui, je reviens. Ray. L'impresario. Merci. Sommes-nous en direct? Ben tout le temps, voyons donc, toi! T'es-tu différé? Non, moi je suis différent. Je suis différent et surtout, comme ma radio, j'exploite ma différence. Pas comme tout le monde. Même si on dit, oh, tous les gens sont quand même différents. Quand même différents. On place le quand même. On n'est pas certain, quand même. Nos recherches scientifiques n'ont pas vraiment élaboré la structure pour qu'elle soit globalisante. Donc, il reste quelques imperfections. Et ces imperfections, ben, ça se termine par des. Trois petits points de suspension. Alors, on peut-tu parler, monsieur? Arrêtez-vous. Mais est-ce qu'on peut parler à mon impresario pour ma chanson? J'ai une famille, une très belle famille, mais maintenant, je ne l'ai plus. En jouant aux dames, en Pérou, en gang, moi, madame, je l'ai perdu. Non, mais là, parce que je ne suis pas dans le tempo, je ne suis pas dans le spectacle, c'est terminé. J'ai fait ma tournure, j'ai fait... Comment t'appelles ça? Comment vous appelez ça dans le milieu, vous autres? Là? J'ai fait ma révérence, mais donc, je ne suis pas en train de mourir, moi, là. Comment il s'appelle, celui qui... Hey, monsieur, dans l'époque de Yves Montand, même avant Yves Montand, là... Maman, en tout cas, peu importe. Attendez! On avait demandé à mon impresario qui était un peu... Puis, on peut-tu parler à ton impresario? Mais oui, calme-toi, ça y va, on y va. C'est un couloir que l'on appelle... Le couloir de l'improvisation. Hey, ça fait peur. Ça fait peur. T'as peur de tout, toi. Gens épouvantés fuient le mal qui est en œuvre. Quand vous en croisez un dans le désert, ils trouvent encore moyen de détourner les yeux, car son frère lui fait peur. honte de son frère. Alors il se précipite en pleurant dans les bras du premier colonel papa venu, qui lui jure la guerre, qui lui promet torture et prison. Oh. Celui qui a fait à son rejeton l'affront d'un regard, l'affront d'un regard d'amour. mort se sont châtrés les ailes. Et ils traquent leurs petits dans les corridors de cité grise. De terreur, les sacs de mensonges et des matraques à la main. Il faut la chasse à l'identité. Égaré la leur dans les basses fosses de paperasse. Oh, eux qui ont égaré la leur dans leurs entrailles repues de viande assassinée. Ivre de massacre, que nous avions pris le temps d'alerter les bébés et de construire avec les bébés un mur de lumière qui fusille de clarté, les yeux clos des morts vivants, des morts vivants. Les yeux clos, des morts vivants, morts vivants, morts vivants, morts vivants, morts vivants, vivants, vivants, vivants, vivants, vivants. T'as peur de tout, t'as peur de rien. On te dit tu, on te sait bien. Comment de mal la vie, I wanna be the canapé. I'm really gonna spend all night. Comme de l'île, de l'île, de l'île, de l'île, de l'île, de avec dans l'émocratie, avec des questions de se mettre au lit. Se faire un petit référendum. On va se faire un petit référendum. Ma belle Gaétane qui a composé le numéro de téléphone et on va parler à mon impresario. Impresario, après ta douche, parce que. Bon. Je sais que t'as un petit problème de. Bon. Un petit problème. Un petit. Pas un gros, un petit. Problème de commodité. Je t'appelle souvent, tu réponds pas. Tu me dis, hey, moi, je suis là pour toi, mon petit champion. Appelle-moi. Il y a du succès dans l'air. Ben oui, je regarde dans l'air, il n'y a pas grand succès. Il y a des nuages. Il y a le ciel bleu. Sur nous, peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu importe si je m'aime. Hein, quoi? Je m'aime, oui. Mais, monsieur l'impresario, est-ce que vous êtes en train de me flouer? Allô? Il n'y a pas de numéro. Voyons non. Monsieur, les pressalio! Ah, il n'est pas prêt. Il sort de la douche froide. Ah, mon dos. Vous êtes là? Oui! Oh, vous êtes en forme? Oui! Hey, vous avez repris de la gargote, là! Oui! Hey, vous êtes mon impresario depuis quoi? De 2 semaines? Est-ce qu'on peut le dire à tout le monde, là? C'est officiel? Hé, hey, monsieur, attendez, c'est officiel! OK, je pense... Hé, hey, c'est... Ouf! Retirez vos coupes, si... Pas coupes, là, mais vos coupes de vin, si elles sont proches de la radio, ça risque de péter, puis moi, je suis pas responsable du pétage de... Du pétage de coupe. Ni du pétage de coupe, là. T'sais, après avoir pris une coupe de vin... Il y a des choses qui se disent, puis t'es comme dans les yeux enfermés. C'est pas du vin qu'ils boivent, là. Ils ont tiré une petite puff. Une petite puff, ça veut dire tirer un petit... Ils ont tiré un... Hey, t'es-tu Louis de Funès? Ben, écoute, je voudrais pas te dire, mais je réécoute toute sa rétrospective pour en faire une analyse sur mon site officiel de cinéma. Oh, ça se sent! Ça s'entend, ça se voit. Non, ça se voit pas. Quoique la radio, c'est nous qui formons les images. C'est ça qui est, oui, on se le fait. Monsieur l'impresario! Oui! Quand on s'est vu la première fois, là, vous êtes dit, ben... Vous me suiviez depuis à peu près 5-6 ans sur CKRL. Oui! La douche était trop froide, il me semble. Avez-vous mis des glaçons? Oui! Ah, mon Dieu, on avait dit, mais c'est ça. On a oublié, monsieur, de vous mentionner, mon impresario, qu'il ne fallait pas placer de glaçons, puisqu'on est comme crispé. Crispé! Oui. Ben oui, je le sais, c'est froid, c'est les... Vous aviez pas les cheveux frisés, puis je suis certain que ça frise. Oui. Puis là, ce soir, en même temps, tout frise, même le ridicule. Oui. Puis heureusement, parce que vous êtes à la bonne émission pour ça. Oui. Ben oui, voyons donc. Est-ce que vous m'embauchiez? Est-ce que vous me débauchez? Vous débauchez pas personne, vous? Oui. Oups. Prenez des chanteuses, des chanteurs de talent, puis vous assouvissez vos aimants. Oui! Vous n'êtes pas gêné de dire ça à la radio, là? Oui! OK, bon. Au moins, vous êtes... Vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui cloche? Oui! Bon. C'est pas les trois cloches, là? Oui! Ah oui, c'est les trois cloches. Okay. Une cloche, c'est celle-là, là? Oui! Mais vous, du côté moral, êtes-vous un moraliste intégriste? Tant mieux. Monsieur le Président. Non, mais écoutez. Je pense qu'on change. Entre nous, là, je risque de changer d'impresario parce que j'aurais pas de succès avec lui. Non, mais ça se sent, ça s'entend. Bien. Moi, je vais avoir rapidement là, des contrats, du blé, des spectacles. Là. Faire les premières parties de Stromae, de Edith Butler, du grand monde. Là. Et dites, c'est grand, ça, cette affaire-là. Ah, c'est grand. Grande fille. Oh, monsieur le Président. Une belle grande fille, bien plantée dans le Québec. Là. Même pas, c'est une Acadienne, dans les racines acadiennes, avec l'accent acadien. Paquetville, Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Et... Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, Paquetville. C'est quoi, c'est Donald Duck? Oui, c'est la réminiscence de la réminiscence. Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Tranquille? Oui, moi, c'est 30 piles par 30 piles. Puis là, je dors tranquille parce que je me dis que ça tombe pas. Si c'est 40, ça commence à calancher, comme on dit dans le milieu de... La vertigénération de la circus. Ça m'est rien. Ça m'est rien. Ça m'est Qu'est-ce que ça peut bien faire que je vive ma vie tout à l'envers? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? En vrai, j'aurais le cœur à l'envers. Qui sait qui viendra pleurer à ma place? On est toujours sale. ça peut bien faire. Si je veux pas vivre la vie de mon père. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que je me prenne pour un animal? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire quand il n'y aura plus rien qui me fera rire? Qui c'est qui viendra mourir à ma place? À ma place, on est toujours seul. On finit toujours avec sa gueule. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que je gagne les murs? J'ai pas envie de mourir avant d'être mort. Wow. J'en ai défait des boîtes, moi, là. Et puis, là, j'en ai ras-le-bol en 6 boîtes, là. Et ramène, si tu m'en ramènes une, je te le dis, je la retire en bas. Moi, j'y monte. Écoute, je déménage. Je vais te dire ça vite, là, parce qu'on déborde encore. Je déménage d'un 6e étage, pas d'ascenseur, avec les escaliers en colimaçon. Les escaliers en colimaçon, ça tourne énormément. Un escalier en colimaçon, comment faire pour ne pas tomber? Mais c'est ça. Au début, ça va bien, là, mais à un moment donné, après 15-20 descentes dans ces escaliers casse-cou, parce qu'il y en a à Québec, il y a l'escalier casse-cou. Allez voir sur les internets, escalier casse-cou, Québec. Québec, escalier casse-cou, vous allez voir. Puis si vous venez en visite, là, essayez de vous casser le cou là-dessus, c'est tellement plaisant! Allez pas dans nos hôpitaux, là, c'est tellement plein, puis en tout cas. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone errance rénaldienne. Bienvenue à la dose rénalité, pardon? Ma voix change, bien oui, je rentre sans sens. Ça n'a pas de sens, mais c'est la sens... La sensation de rentrer en transe. J'en parle souvent de ça, oui. Monsieur le Président, ben c'est normal, parce que c'est ça. Monsieur le... Hein? Je l'ai dit, monsieur, je sais, je veux dire bienvenue. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée, avec mon... Et monsieur Jacques Mesrine, pour le terminer, ce gars-là, il faut le prendre en deux voitures. Oh, puis moi, c'est en deux radios. s'appelle Laura. Je tombe de plume. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je laisse à ses rêves, où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. De rien n'orage, sans vous dire c'est nul. Moi j'affûte mes gaules, partir à la pêche. Vous êtes sur l'épaule, ceux-ci sont bien fraîches. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille. Le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères, de tout petits soucis. Je voudrais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, enfin bon, j'entends pas. Quand je plante le hameçon tout en haut d'une branche, je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux, c'est futile, mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça. Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche. Que vouloir trop plaire, ce plaisir est moche. Moi je sors de truite d'au moins 120 kilos. J'ai pitié, trop petite, je la rejette à l'eau. Midi passé, je reviens les mains vides. Trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide. Alors je rentre chez moi, triste comme un menhir. Mais personne n'est là, faut m'entendre mentir. L'amour est parti, parti pour toujours. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma vie. J'emmènerai dimanche, si je peux, la gamine. S'emmêler dans les branches, à la pêche, à la ligne. J'emmènerai dimanche, si je veux, la gamine. S'emmêler dans les branches, à la pêche, à la ligne. Aujourd'hui, 1er juillet, la Terre a 3 milliards d'habitants. Personne n'a été capable d'écrire ce simple télégramme « Je t'aime, puis-je venir ?» signé Gaston. Aujourd'hui, les femmes ont rêvé qu'elles faisaient l'amour avec leur père, des bonnes ont quitté les familles bourgeoises l'injure à la bouche, les testicules des hommes ont remonté et ils les ont attachés avec des bouts de laine torsadés. Des petites filles de l'âge de pierre ont chanté dans les trains des mélopées sauvages ignorées de leur mère. La réponse à tous les télégrammes envoyés par les gens a été « Reste où tu es ». Quant à moi, je ne suis pas morte au Soudan. De temps en temps, le téléphone crie et il faut lui donner à boire. La radio, elle, a commencé à diffuser des vieilles rengaines. En Italie, il y a des chemises grises. Ici, on a beaucoup reparlé de la chaude pisse des Algériens. C'est le signe qu'une chose grave va se passer, mais très loin, là, dans la rue, près de cette table, là. Les CRS se massent partout comme des buissons de mûres. 1er juillet, l'essence est au pouvoir. Ça va sauter d'une seconde à l'autre. Les chauffeurs de taxi répandent partout le bruit que la peur n'évite pas le danger. Les roses remettent ça, le foin remet ça, les abeilles remettent ça. Les chats se frottent contre les gens et on ne manque pas de faire observer une fois de plus combien ils sont égoïstes. les chiens, plus serviles que jamais, sont partout cités en exemple. Ah, je rencontre une auteure, compositrice, interprète, sympathique, brillante, intelligente et vie. Ouf! À toi l'artiste! Je suis la foule insignifiante, puis la silhouette, l'intrigante. Oui, je suis le passant qui passe côté jardin. Je suis la fille d'en face, celui qui vous tourne le dos, qui court pour un dernier métro. La face cachée des salles obscures, je suis le ceux qu'on la doublure. Je suis le ceux de celles qu'on ne voit pas vraiment. Je suis l'instant, l'opportuniste, l'obligeant. Je suis de ceux de celles qu'on ne voit pas vraiment. Je vais, je viens à travers le champ. Je suis figurant. Je suis le rêveur solitaire, la belle aux cheveux noirs, regard clair, celles qui se font si bien dans le décor. Quand la musique en pleure encore, la marquise en costume d'époque, monsieur tout le monde, le visiteur ad hoc, celui qui rit au bon moment, le pilier de pain, le bon client. Je suis de ceux et celles qu'on ne voit pas vraiment. L'instant, l'opportuniste, l'obligeant. Je suis de ceux, de celles qu'on ne voit pas vraiment. Je viens à travers le champ. Je suis, comme on dit, de ceux, de celles qu'on ne voit pas vraiment. Je suis l'instant, l'opportuniste, le manifestant. Je suis de ceux, de celles qu'on ne voit pas vraiment. Je viens à travers le champ. Je suis l'homme au bouquet de fleurs, celui qui fait les 100 pas. Le valet qui tombe à pic, l'infirmière, la dame de cœur, l'homme au bouquet de fleurs, celui qui fait les 100 pas, le dealer, le valet qui tombe à pic, l'infirmière, la dame de cœur. Je suis le seul, le seul. Tu m'attendais depuis longtemps? Non, deux minutes, mais il m'a dit que c'était là. Oui, c'est ça, exactement, c'est mon bureau. Ah, c'est parfait. Très bien. Parce que là, j'ai quitté parce que j'avais des piles à aller chercher pour mes... Ah oui, pour les trucs. Mes pitous. La chaleur commence à... Ça revient. Ouais, c'est tant mieux. Non? Ça va être tout mais je crois. Demain, 30. Oui, c'est vrai, on est prêt. Ça va pas. Ah, ça va pas, ok. Toi, t'aimes pas ça quand c'est trop chaud? Si, mais 30, c'est beaucoup. Hein, dans ouais, c'est vrai. Et là, c'est bien aujourd'hui, là, je trouve. C'est vrai. Très bien. Est-ce que tu habites dans le quartier? Oui. Ok, ah, t'es pas 9e. Loin. Ah, ben là, oui. J'étais à Bastille, mais j'habite dans le 9e, juste là. C'est pour allé... ça, quand j'ai vu que c'était là, j'ai dit, ah, c'est beau. Et surtout, je suis allé à la rue Moscou, c'est pas très loin. Oui. Mais moi, je suis rue des Martyrs. Ah, ben oui. Mais en dessous. Classique. En dessous du. L'endroit me fait penser à une chanson des Garçons Bouchers. Ah oui, tout à fait. On vient de perdre tabac. On vient de perdre Adji Lazaro. Est-ce que tu te connaissais? Non, je ne connaissais pas personnellement. Non. OK. Et c'est déjà parti. Hein? Hein? C'est déjà parti. Les magasins sont partis. Parfait. Allez. Alors, je suis content parce qu'on ne devait pas se rencontrer. Oui. Et dû au fait qu'on a une amie en commun, Kat, Lewis, Loris. Loris. Donc, elle m'a proposé de te rencontrer. Et peut-être qu'elle t'a envoyé un courriel, je ne sais pas, par la non, suite. Non, mais elle m'a tagué, du coup. Ah, c'est ça. OK, voilà. Alors, tu es auteur, compositrice, interprète. Et tu travailles... est-ce que tu écris depuis longtemps? Oui, parce que là, j'ai, je vais sortir mon 5e album. Oh. À la rentrée? Le 29 septembre. Oh, ben c'est ça. Excellent. Et puis, comment tu envisages la sortie du disque? Alors, il y a une release party le 6 novembre à Open Piper, okay. À Paris, 11e. Oui. Oui. Je vais avoir des invités, je pense, sur scène, mais on est en train de travailler là-dessus. Sur scène, moi, je suis à la basse, oui. Ou au piano, okay. Ou au clavier, ou au piano. Et je vais avoir quelques morceaux avec un guitariste, et puis ma violoncelliste également. Et j'ai une choriste. Et puis sinon, il y a les séquences électro que j'envoie avec une machine, etc. Mais c'est pas trop difficile quand il y a plusieurs intervenants que ça coïncide avec la journée même, parce que chacun doit avoir son... Bah, disons que le groupe de base, c'est le guitariste, la violoncelliste et moi, et la choriste. Mais je vais avoir, je pense, un invité pour faire venir une deuxième basse. À un moment, je vais faire un morceau, je pense, avec deux basses. Peut-être un autre chanteur ou une chanteuse. Donc, voilà. C'est pour que ce soit une date un peu différente, un peu événement. Il faut que ça ait du panache quand même. Exactement, du panache, j'adore. Ouais. Est-ce que la musique chez toi est là depuis longtemps? Ton enfance, tes parents écoutaient ou ta soeur, ton frère? Alors, j'ai fait du piano pas mal quand j'étais petite, mais classique. Après j'ai arrêté, voilà, exactement. J'ai du mal à accrocher avec le côté classique conservatoire. Du coup, j'ai repris plus tard vers 18 ans. 18-19 ans. Avant, tu faisais rien? Pas trop. En adolescence, pas trop. Et j'ai repris à ce moment-là parce que j'avais l'ami de mon grand frère, le meilleur ami de mon grand frère, qui était pianiste. Du coup, j'ai commencé à créer des chansons avec lui, comme ça, puis de fil en aiguille. Après, j'ai rencontré Guillaume Rossel, qui est un batteur. Cyril, fais une enveloppe. On a qui est le fils de Bernard Lavilliers aussi. Mais qui faisait de l'électro. Et donc, on a travaillé ensemble pendant longtemps. Et après, on a fait un album. Electropop qui s'appelait Time Factory en mode duo. Enfin, moi j'étais la chanteuse. En anglais. Du coup, le premier album était en anglais. Mais le batteur, c'est le fils de Lavilliers. Oui. OK. Moi, je l'ai vu jouer pour la première fois avec son père la chanson Petit au Festival d'été. Le petit avait, je crois. Ouais, c'est possible, parce qu'il faisait des featuring quand il était petit. 12-13 ans. Ouais, tout à fait. Mais après, il a fait. Alors, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup les machines, électro et tout. Ouais, donc, ben du coup, on a travaillé ensemble. Oui. Voilà. Et à côté, évidemment, il est batteur. Et du coup, à l'époque, dans ce groupe-là, enfin, ce duo-là, il était à la batterie et aux machines. Est-ce qu'il ressemble à son père physiquement? Un petit peu maintenant, je trouve, avec le temps. Mais il est plus petit, il est moins. Il est moins costaud. Il est moins voilà, le gabarit est plus petit. Et, le gabarit plus petit. Exactement. Mais du coup, il a beaucoup tourné. Il a beaucoup tourné avec Rachita, notamment. Là, il fait d'autres groupes, etc. Et on avait fait d'ailleurs à l'époque la première partie de Rachita, l'Élysée Montmartre. Est-ce que ça te flatte d'avoir quelqu'un d'aussi reconnu sur ton groupe? Bah en fait, à l'époque, c'était pas tellement parce qu'il était reconnu que ça m'a... En plus, il se servait... Moi, je dis que c'est le fils de Bernard Lavilliers, lui, il le dit jamais. Okay, donc, ouais, c'est normal, il veut s'en sortir. Voilà, lui, il le dit pas, il a pas le même nom. Voilà, et lui, il a fait vraiment son chemin de son côté, donc c'était vraiment pas tellement... une valeur ajoutée en soi, c'était juste que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et on a travaillé ensemble pendant plusieurs années et j'adorais en fait l'univers qu'il avait. On était dans un univers très atmosphérique, un peu trip-hop. Ouais. Trip-hop, drum and bass, et ça j'adorais. Et c'est plus pour ça en fait. Sinon, j'ai pas vraiment cherché à travailler avec lui parce que je ne savais pas au début d'ailleurs. Okay. Et c'est tranquillement qu'il a commencé à se dévoiler. Oui, voilà, après on est devenus amis, proches, etc. Donc, et après ça, en fait, lui, il est parti en tournée avec Rachita, justement, comme batteur, et c'est là où j'ai commencé mon projet solo. Donc, j'ai fait mon premier album sous le nom Evie. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé d'écrire en français ou... Exactement. Okay. En fait, il y a eu comme une rupture un peu. Au départ, j'ai commencé à écrire en anglais, je pense, sur... Bon, j'ai fait une maîtrise d'anglais, j'allais aux États-Unis pas mal et tout, mais c'était surtout, je pense, par pudeur. Parce que c'était plus facile, plus musical, l'anglais, bien sûr, pour commencer à écrire, ça me semblait plus naturel. Et à un moment, je sais pas, il y a eu plusieurs choses en même... Au même moment qui ont fait que, je sais pas, j'ai eu envie de me lancer en français, c'était plus challenging. C'est plus challenging. C'est plus challenging, je trouve, c'est plus difficile. Bah, ouais. Écrire en français et que ça sonne, hein, on sait... Ouais. Quoique, ça sonne très bien. Ça sonne très bien, mais il faut quand même... je trouve que ça demande une autre approche pour avoir une musicalité, je trouve, dans les textes en français, les textes de chansons en français, ça demande un travail différent de l'anglais. Et j'aime bien les deux, mais du coup, je suis passée au français, et puis bon, peut-être qu'un jour, je réécrirai en anglais, mais... Est-ce que le deuxième disque qui est en français et qui prend le nom de ce que tu Evie, dis, ouais. Evie, ouais. Est-ce que tu avais beaucoup de chansons en français avant de faire ce deuxième disque-là? Ah non, pas du tout. Okay. C'était du tout chaud. J'ai écrit la première, ça s'appelle La Route. Je la joue toujours sur scène maintenant parce que c'est un peu le démarrage pour moi. Oui, c'est ça. Et j'ai commencé là et après depuis j'ai écrit qu'en français pour ainsi dire. Si un jour j'ai écrit. Parce que je suis amie avec Manu Lanvin, du coin, hein, qui fait du blues, etc. Et à l'époque, il a travaillé avec Calvin Russell. Et il m'avait demandé d'écrire... à l'époque, il écrivait moins ses textes. Et il m'avait demandé d'écrire... moi, j'écrivais en anglais à ce moment-là, pas mal. D'écrire tout un album en anglais. Un album qu'il a sorti qui s'appelait Manu Lanvin and the Songe Black. C'était avec... voilà. Et il y avait un titre chanté par Calvin Russell. Donc j'ai écrit cet album-là, les lyrics, quoi. Mais depuis, pour moi, non, pas trop. J'ai pas trop écrit en anglais. Est-ce que tu sens, à partir du deuxième album jusqu'au cinquième aujourd'hui, une certaine évolution dans l'écriture ou s'il y a comme un fil conducteur? Ben, un peu les deux. Et je me suis rendu compte, oui, alors il y a une évolution vraiment, parce que des fois, quand je réécoute des trucs que j'ai écrits sur le premier album, deuxième, troisième, etc., j'aurais peut-être fait différemment aujourd'hui. Ben oui. Mais il y avait déjà un peu, quand même, ma manière de faire. J'ai toujours l'univers un regard. Était déjà là. Ouais, était déjà là. Mais j'espère avoir affiné, quand même, avec les années. Est-ce que tu as voulu créer un son aussi à ton groupe, c'est pas un groupe, mais en tout cas mon projet, à ton projet, moi. Ouais. Bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est pas grave. Ça va aller. C'est des micro-points, qu'il n'y a pas de problème. Tu retranscris ou c'est à la radio? C'est à la radio. Ah ouais, d'accord, c'est live. Ben oui. Voilà, c'est pareil. C'est urbain, exactement. Je disais, j'avais été marquée à l'époque où je travaillais avec Guillaume Russell. Par les sons trip-hop, drum and bass, donc des groupes comme le démarrage d'Archive, Portishead, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé un peu cet amour-là, cette énergie-là, effectivement, des chansons assez atmosphériques, côté un peu lyrique comme ça dans la musique, et en même temps avec des textes. Comme j'écris en français, avec des textes. Et j'ai toujours un peu gardé ce fil conducteur-là, mais évidemment, selon les albums, il y a eu des moments un peu plus pop-rock. Et là, au jour d'aujourd'hui, je dirais, c'est... Moi, je dis dark pop, parce qu'il y a un côté... Ouais, c'est quand même pop, ouais. C'est assez mélancolique, mais il y a quand même des chansons électro-pop, dark pop. Voilà, c'est comme ça que je me décrirais aujourd'hui. Est-ce que tu fais la musique avant et les paroles après, ou les paroles avant puis... Comment ça se structure, ça? Ça, c'est toujours la question, on ne sait jamais trop. Moi, ça dépend, en fait. Je crois que c'est... j'ai pas une recette miracle. Et j'ai déjà entendu des artistes, même parfois très connus, qui disent aussi ça. C'est-à-dire que... Parfois, je fais pas les deux en même temps. Je commence des... Là, par exemple, dernièrement, j'ai un peu commencé à faire des nouveaux morceaux. Vraiment les prémices, hein. Les hommes dictaphones, tac-tac, à la basse ou au piano. Et souvent, je fais un peu du yaourt en anglais, au début, la mélodie. Donc, je cherche d'abord les mélodies, je pense. Les accords et la mélodie. Et puis, de l'autre côté, dans le même temps, ou pas dans le même temps d'ailleurs, je commence à écrire des projets de textes. Des bribes. Exactement, vraiment des bribes. Souvent je marche par analogie, comment dire, par thème, un petit peu comme ça. Donc je commence à dire, tiens, j'ai n'importe quoi. J'ai un thème sur j'en sais rien, moi, la rupture. Et puis je vais écrire un peu des bribes de textes. Comme ça, ou par exemple sur mon album qui va sortir, il y a un morceau qui s'appelle Figurant, c'est sur la figuration dans les films, mais c'est aussi une métaphore de la place qu'on peut prendre dans la vie, hein, ouais. D'accord, comment on se place, comment place, on se trouve. On peut se reculer et être exactement. Invisible. Est-ce qu'on est dans l'ombre ou pas, ouais. Est-ce qu'on est devant? Et bah voilà, au début j'avais eu l'idée de faire un texte sur ce thème-là, et j'avais du coup... Je lance un peu toutes les phrases, les mots qui me viennent à l'esprit, puis après, à un moment, ça devient une chanson. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Ah, c'est intéressant. Parfois, moi, ça peut être l'un ou l'autre. Parfois, même c'est en lisant quelque chose. Par exemple, j'ai une chanson sur mon deuxième album. La chanson, elle s'appelle « Boulevard du crépuscule ». Et en fait, bon, c'était pas un thème trigger parce que j'étais en train de parler de mon père, donc c'était Boulevard du Crépuscule qui était un peu sur le chemin qui amène à la disparition de quelqu'un, mais évidemment c'est pas nommé, donc c'est assez, on va dire, poétique. Et ben Boulevard du Crépuscule, le mot, j'ai tourné autour de ça. Je l'avais lu dans un article de presse, mais rien à voir. Bon, Boulevard du Crépuscule, c'est une scène boulevard aussi, ouais, évidemment, ouais. Le film et tout ça. Mais là, c'était un journaliste qui l'avait utilisé lors de la Coupe du Monde de foot avec Domenech, ouais. Quand les gars n'étaient pas descendus du bus. Okay. Et il avait expliqué comment ça s'était passé, etc. Et il avait fini en disant Boulevard du Crépuscule. Oh, ouais, il se passe plus rien. Quoi. Et, tout, et comme j'étais dans, un peu dans mon thème dans à ce moment-là, et j'ai ouais. dit, ah, mais voilà, c'est ça. C'est souvent que j'ai eu des flashs, mais parfois c'est sur des articles de journaux, c'est en entendant un mot à la radio, et des fois je construis autour de ça, mais c'est souvent parce qu'il y a déjà une idée qui est en place, et ça me donne un peu un complément de direction. Est-ce que c'est plus difficile après le cinquième album de ne pas se répéter, de ne pas prendre les mêmes thèmes ou des exploiter autrement? Bah, parfois j'ai cette peur-là, je me dis, mais comment je vais faire pour trouver à nouveau une idée? Et en fait, bizarrement, alors après... Il y a des gens qui ont fait 17 albums, donc je ne sais pas comment ça sera dans encore le prochain et encore celui d'après, si je continue. Enfin, évidemment, je vais continuer. Mais bizarrement, en fait, j'ai l'impression que ça se fait un peu tout seul parce que ça suit un peu les tranches de vie, les choses qu'on traverse, les gens qu'on rencontre et, là où on vit ou là où on passe. Finalement, c'est inépuisable. Mais c'est vrai que parfois, là où ça revient, c'est parfois sur la manière dont on utilise des mots. Ah oui. La manière dont... Voilà, on se dit, ah, non, je l'ai déjà mis. Ça. Ah oui, deuxième album, j'ai déjà utilisé. On peut pas... Alors, on a le droit d'utiliser, si c'est un mot générique, ailleurs, par exemple. On a le droit d'utiliser plusieurs fois, c'est évident. Mais c'est vrai que parfois, il y a des tournures qui nous reviennent. Tu te rends compte que quand même 5 disques, ça fait facilement 50 chansons. Oui. Donc 50 chansons, il y a peut-être des thèmes qui reviennent. C'est lesquels? Bah, dans mon cas, il y a eu pas mal le thème de l'abandon, de la perte. Ça, c'était par la fin des choses, ouais, pour les choses que j'ai traversées. Mais sinon, non, j'ai un peu varié quand même, je crois. J'en ai une qui parle de Paris, qui s'appelle Mademoiselle. Donc, je disais figurant, c'est sur le... Tu lui rends hommage ou... À Paris, ouais. Ça part du postulat que c'est une ville que je déteste et que j'adore en même temps. Donc, ouais. Voilà, c'est ce paradoxe. Un amour. Exactement. Oui, c'est l'amour. Tu sais, souvent aussi, ça peut être une relation amoureuse. Hein. Un amour, ça peut... Alors, les relations amoureuses, c'est toujours inépuisable, même si j'aime pas écrire forcément là-dessus parce que ça se dit, c'est tellement... Cool. Voilà, c'est ça. Mais malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, au fur et à mesure de notre parcours, bah, il y a quand même des fois, on a des inspirations de ce thème-là. Donc, on y va quand même. Mais avec les années, est-ce que les chansons sont de plus en plus... arrive du premier jet où il y a autant de travail que les premières chansons? Tu sais, souvent, tu peux être animé par quelque chose, puis tu te dis, ah, ben, après 5 disques, mes chansons commencent à... Je sais comment structurer le truc, donc, mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de... Non, il n'y a vraiment pas de recette, mais... Heureusement, sinon, c'est facile. Mais c'est ça, parfois, on va écouter quelque chose et on dit, oh, c'est tellement évident, mais après, déjà, il ne faut pas copier, mais c'est... Après, je pense qu'on a des... Comme dans les textes, d'ailleurs, on a des automatismes. Des réflexes qui peuvent revenir. Alors justement, c'est, des fois, c'est de casser un peu. Couplet-refrain pour refrain, ad-lib, fin. Bon, d'essayer peut-être des fois de sortir de ça. Ou des suites d'accords. On retombe souvent sur les mêmes suites d'accords harmoniques. Et là, on se dit, tiens, peut-être essayer de changer un peu ça. Mais... Je sais pas dire, il y a des chansons... Moi, en général, c'est assez long, parce que je travaille beaucoup les textes, je reviens dessus, etc. Je sais que ça sonne comme... Il n'y a aucun mot qui me gêne, comme si c'était, voilà, comme si c'était évident. Mais il y a parfois des chansons, et ça, c'était déjà au premier album jusqu'à aujourd'hui, bizarrement, qui se font assez facilement. Alors on se dit peut-être c'est parce qu'elles sont bonnes, mais en fait, parfois il y a des chansons qui mettent très longtemps à être finalisées, mais qui vont quand même être bonnes, ou l'inverse. Donc je pense que, encore une fois, c'est... On ne sait pas pourquoi quelque chose fonctionne et pourquoi va plaire, enfin, quelle chanson va plaire. Parfois, je suis étonnée, on dévoile une chanson et elle va énormément plaire, et on ne sait pas pourquoi celle d'à côté, elle a moins plu, alors que nous, on a mis autant d'énergie et de cœur dedans. Est-ce que tes chansons fonctionnent avant sur scène, avant d'être sur la pastille, avant d'être enregistrées? Alors, sur ces le prochain album, oui. Parce que comme il y a eu le Covid, et tout ça, il y a eu... Ça a un peu chamboulé tout, notamment. Et du coup, c'est vrai que là, celles qui sortent, je les ai toutes déjà jouées. Donc, c'est un peu... une très peu, mais sinon les autres, je les ai déjà jouées plusieurs fois. Et donc, elles ont... avant d'aller enregistrer, j'avais déjà vécu le truc sur scène. Donc, ça permet d'affiner différemment, quoi, d'être un peu... Musique. Mais est-ce que tu en as retiré parce qu'il n'y avait pas de... Ça fonctionnait pas en scène, sur scène, c'était pas aussi intéressant que ce que tu pensais? De quoi? Est-ce que les chansons que tu as enlevées parce que tu les as présentées sur scène, et ça fonctionnait pas vraiment? Non, j'en ai pas enlevé. Okay. J'en ai pas enlevé. Mais sur scène, est-ce que tu t'offres plus d'improvisation? Est-ce que tu vois plus loin? Ou si tu te limites à ce que tu as enregistré pour que ça sonne vraiment comme le disque? Ah non, j'aimerais que ça sonne pas comme le disque. Après, moi, la particularité de mon esthétique sonore, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a une structure assez électro. Donc, du coup, il y a des sons qui sont utilisés sur le disque, qui sont également utilisés sur scène. Mais c'est vrai qu'on a, avec mon arrangeur Fred Perriot, on a refait, en général, les instrumentations sur scène un peu différemment, un peu plus épurées, souvent, pour que laisser la place plus aux instruments. D'une part, et d'autre part, pour justement avoir des versions un peu différentes. Mais souvent, au départ, on commence quelque chose qui est assez proche de l'album, et au fur et à mesure, ça s'éloigne de plus en plus. Ou alors, d'un coup, je vais dire, oh là là, bon, celle-là, maintenant, je vais la faire piano, par exemple. Piano-voix, alors qu'elle était orchestrée. Ou... J'ai toujours envie de changer quelque chose, ou alors de faire une intro de concert un peu différente, ou alors une cover, pourquoi pas, aussi un peu différente. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand ça change. Je m'ennuie assez rapidement. Alors, malheureusement, j'ai pas 100 dates par an, donc du coup, j'ai quand même, j'ai obligé quand même de... Enfin, j'ai pas le temps non plus de m'ennuyer au point de tout changer. Mais c'est vrai que souvent, même d'un concert à l'autre, je fais jamais exactement la même chose. Il s'était un le temps lointain où je te croyais immortel. Depuis ta maison, ton jardin, la vue est toujours aussi belle. Où va la vie, ce qu'on devient? Les matins blancs, ces petits riens nous laissent de marbre mais debout, me laissent d'argile mais debout. On a gardé l'art et la manière, les embruns, l'atmosphère. Droit devant, cœur, regarde à vous. Clin d'œil circulaire, circuler, y'a rien à voir. Retour au vestiaire. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver. J'aime plus les dates anniversaires depuis que t'es parti. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver. Le mois de juin, la fête des pères depuis que t'es parti. C'est parti. Je porte ton chapeau trop grand. L'espoir de pluie, de mauvais vent. Et s'il a fallu faire semblant, les jours sombres. Les jours sans. Aurais-tu laissé quelque part, au fond d'une poche ou d'un tiroir, des cachets de toutes les couleurs, des vis pour réparer le cœur, un peu de toi, un peu de baume, une ordonnance à l'encre noire, à suivre pour la quarantaine. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver. J'aime plus les dates anniversaires depuis que t'es parti. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver. Le mois de juin, la fête des pères. Depuis que t'es parti, depuis que t'es parti. Je suis parti. l'automne, j'aime plus l'hiver. J'aime plus les dates anniversaires. J'aime plus l'automne, j'aime plus l'hiver. Depuis que t'es parti, depuis que t'es parti. Un peu d'improvisation. Alors, improvisation toute relative, parce que justement, comme je suis prise dans des structures électroniques qui sont préétablies, okay. On peut pas beaucoup sortir. Ah, oui, okay. On peut pas complètement sortir comme si on avait un batteur et on est tout complètement live, etc. Okay. Mais on peut quand même le faire. Mais faut que... on sait déjà à l'avance, à la limite, à l'endroit où on va le faire. On peut pas complètement, complètement improviser. C'est un tantinet contrôlé. Oui, on est obligé. Mais j'adore ça. Ouais. J'adore improviser par contre. Ouais. Est-ce qu'il y a des chansons, comme tu disais, le deuxième disque, tu as gardé la première chanson du deuxième disque, tu la refais encore aujourd'hui, c'est ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup que tu gardes comme ça et, parce que tu trouves qu'elles ont bien évolué, qu'elles sont bien. Oui, justement, là, le disque qui sort, il y a trois morceaux qui ont été repris d'anciens albums, complètement refaits. Mais pourquoi? C'est aussi. Alors, parce que. D'une part, il y avait certaines que j'avais envie de rejouer, et mon arrangeur va piocher lui-même. C'est-à-dire qu'il me dit, tu veux pas, parce que je travaille avec lui que depuis l'avant-dernière album. Tu veux là cette chanson-là, là, on peut la prendre ou pas? Tu peux me donner les et il a envie de faire autre chose complètement, et certaines elles sont tellement bien faites, refaites, que je dis, oh, bah, allez, je vais la ressortir. Et c'est comme ça que je me retrouve là sur l'album qui arrive avec certaines nouvelles chansons et certaines. Version nouvelle d'anciennes chansons. Et là, t'as combien de quoi? 12 chansons? 10? Non, elle a 10 ou 11. Je l'ai là. Et lorsque tu fais un disque, à quel moment? Parce que là, tu travailles en studio, c'est beaucoup de travail le studio. 11, ok. Quand tu travailles en studio, à quel moment tu te dis, ok, là, c'est assez, on va s'arrêter, parce que de un, ça coûte cher, de deux, on n'a plus le temps, il faut passer à une autre chanson. Est-ce que tu es une besogneuse, tu ne te trouves jamais satisfaite du résultat, ou à un moment donné, le son est ce que tu veux, tu t'arrêtes, tu le mets en boîte, c'est fini? Alors, en général, quand je vais en studio, je sais déjà exactement où on va avant d'aller, pour des raisons notamment financières. Donc, j'ai toujours travaillé beaucoup en pré-prod. Aussi, comme je disais, la structure, elle est faite avec pas mal de rythmique électronique. Donc, du coup, on a déjà vraiment la base. La structure de la chanson, je sais exactement comment elle est et je ne veux pas la changer en général, je sais déjà. Parfois, il peut y avoir des petits imprévus, quand même. Tant mieux, on adore. Ouais. Mais c'est vrai que je ne suis pas sur un mode... acoustique, on va enregistrer tout live et après on va travailler comme on faisait à l'époque, enfin, ou comme font encore certains, mais comme faisaient, je sais pas moi, les Beatles, ils restaient en studio pendant des semaines et tout. Nous, on peut pas trop faire ça. C'est ça. On peut plus trop faire ça, nous, à notre époque, mais ça dépend des artistes. Mais... sauf si t'as pas ton studio maison. Voilà, exactement. Alors, j'ai pas le studio maison, mais j'ai quand même l'ordinateur, la carte son, etc. Je peux enregistrer mes instruments. Donc on fait souvent un espèce de ping-pong avec mon arrangeur. Je donne des chansons, il m'envoie, il m'a dit tiens, j'ai fait ça, je t'ai fait ça, tac, tac. On se renvoie les sessions. Et au bout d'un moment, on arrive à un truc à peu près sûr. Enfin, même complètement. Ouais. Et là, on sait exactement quelle partie je vais jouer, moi à la basse, mon guitariste, ou s'il y a de la guitare, etc., etc. Et en général, du coup, en studio, alors là je suis allée en studio il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques mois pour faire certaines voix, et avec Clive Martin, qui a fait les prises et le mix. Et en fait, je savais déjà ce qu'on allait jouer, et Clive, il a apporté parfois des idées, voilà, ça touche une direction peut-être sur des choses, mais ça s'est fait de façon très fluide. Et les voix, par exemple, j'aime pas faire des tonnes de voix. J'aime bien en général, j'aime pas faire 50 prises de voix, j'aime pas du tout. Donc en général, je fais 3 prises si vraiment il n'y a pas ce qu'il faut. En fait, quelque part, je sais déjà où je veux aller avant d'arriver en studio. Mais la complexité aussi, c'est pas de trouver la hiérarchie des chansons, la façon de les placer sur le disque, parce qu'il y en a quand même 11. T'avais-tu déjà l'idée que la première, ça allait être celle-là, ou s'il y a eu beaucoup de discussions pour que... Bah, en fait, ce que je me suis dit, du coup, je suis en train de regarder la setlist en même temps, enfin la setlist, le disque que j'ai dans les mains. L'ordre est important, mais en même temps, enfin il est très important, mais à la fois je trouve que aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui on n'écoute pas vraiment les disques, on écoute des chansons. Ouais. Donc ça va sortir sur les plateformes. Du coup les ordres finalement sur les plateformes ça a beaucoup moins d'importance, même s'il y a des gens qui peuvent écouter l'album à la suite, mais ça se fait moins. Ce qui fait que je trouve qu'on a moins de pression maintenant sur l'ordre du disque un petit peu. Alors là sur ce disque là j'ai pas ressenti trop la pression, sauf si je le sortais en vinyle, j'aimerais bien. Et là, effectivement, ça aurait un sens. Mais ce que j'ai fait, c'est que, comme j'ai une chanson qui s'appelle « Des vents contraires », qui avait déjà été sortie dans l'album d'avant, avec une base de basse, arrangement électro, etc., mais assez épuré, mais quand même, voilà. Et là, j'ai fait une nouvelle version piano-violoncelle. Du coup, je me suis dit, ben oui, la nouvelle version, elle ouvre l'album et l'ancienne, elle ferme. Donc, déjà, c'était ma trame était comme ça, ouais, exactement. Et après, souvent, je mets le... un peu comme, peut-être pas comme un concert, mais presque, comme si il fallait qu'il y ait des nuances dans la manière dont c'est agencé. Ça veut dire, s'il y a un morceau qui est très, très fort, par exemple très rythmé, j'en ai un qui s'appelle Papapa, qui est presque un peu club, je le mets à un endroit où derrière, je sais que je vais mettre une, par exemple, très douce, pour casser un peu, comme si on était en concert. Et, c'est ça, exactement. Il y a eu un pic, et puis après, derrière, ça redescend. Voilà. J'ai pensé le truc aussi comme ça. Et souvent, on dit qu'il faut mettre dans le début du disque les chansons qu'on pense les plus fortes. Ouais. Alors, voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais exactement. Mais tu as fait un album, quoi, à quelle fréquence, aux 2 ans, comme tirage à 5? Ça dépend des moments. C'était plutôt 2-3 ans. Okay. Mais là, le dernier, ouais, c'est 2021, et là, ça va être 2023. Mais par contre, celui d'avant, c'était... 2018-2021, ouais. Ouais, à peu près tous les 2-3 ans. Ouais. Est-ce que nécessairement, lorsque tu fais un spectacle, est-ce que c'est suivi de certains concerts pour promouvoir quand même pour, Bah oui, c'est quand même un peu l'idée. Alors après, j'ai pas forcément toujours l'opportunité de faire la grosse tournée. Je viens au Québec, mais j'ai pas toujours l'opportunité de faire toutes les scènes que je voudrais. Mais en tout cas, c'est sûr que chaque album, on a toujours refait un live spécifique. Correspond à cet album, même si on reprend d'autres chansons. Est-ce que ça t'arrive de faire uniquement guitare-voix ou... Non. Alors déjà, je ne suis pas guitariste, mais je suis plutôt à la basse et au piano. Au piano-voix. Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, mais pas dernièrement. Mais j'aime bien aussi faire ça. Il faut réarranger tout. Ouais. Donc ça, c'est très marrant. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais c'est marrant. Ouais. Mais comme j'ai plus envie de défendre cette esthétique-là, un peu plus, on va dire, électro-acoustique, donc dernièrement, j'ai pas fait. Mais j'ai quelques piano-voix dans le set, comme je disais. As-tu des chansons dans tes tiroirs? Des prochaines? Ouais, des chansons que tu places là éventuellement pour en faire un disque ou les chanter sur scène et les anticiper. J'ai celle de mes cinq albums, c'est déjà pas mal. Ça fait quoi, à peu près 54 chansons? Ouais, peut-être un peu moins, mais parce que souvent j'avais des albums de 10, 11. Okay. Ah oui, au moins. Ah, ça fait à peu près 54. Ouais, il y en a certaines qui ont été, qui ont été reprises en version nouvelle. Donc, donc du coup, on va dire en gros. Une cinquantaine. Ouais, c'est ça. Puis il y a celle en anglais dont je parlais. Mais j'ai pas beaucoup de nouvelles chansons qui sont déjà prêtes. Comme je disais, c'est des esquisses. Il va falloir que je revienne. Exactement. Est-ce que avec les années, le son est vraiment bien ancré, bien donné? Ben, en fait, je crois que chaque album, il y avait un peu un son propre à l'album. Mais là, depuis les 2 derniers, surtout parce que j'ai travaillé avec le même arrangeur, et là, j'ai l'impression d'être aligné, d'avoir vraiment l'esthétique sonore que j'aime là. Après, c'est une esthétique sonore qui, contrairement à du guitare-voix et du piano-voix, qui en général est marquée dans une certaine époque. Donc ça veut dire peut-être que dans 5 ans, j'aurai l'impression que ça sonne 2023. Donc c'est bien et pas bien, mais c'est pas grave. C'est pour ça que... Ben, en même temps, quand tu écoutes du vieux Radiohead, ça reste que c'est du Radiohead, donc... Voilà, quand on a fait... Oui, puis ça marque une époque, donc c'est comme le cinéma. Oui. Le cinéma des années 50, c'est sûr que en 2023, ça tient plus vraiment, mais ça reste un film des années 50. Ouais, exactement. Faut se mettre à l'école. Est-ce que tu rencontres beaucoup d'artistes? Parce que quand tu fais de la scène, vous, c'est comme une petite clique, vous vous rencontrez souvent, vous êtes... Par exemple, Garance, tu connais Garance Aubin. Alors, est-ce que vous voyez souvent un peu partout sur la route ou Ça dépend des périodes. Ouais. C'est vrai que, alors, il y avait un lieu que sûrement tu avais entendu parler, qui s'appelait la Passerelle. Oui, ben oui. Voilà, avec Daniel. En fait, il y en a eu deux passerelles. et ils ont fermé les deux. Les deux ont fermé. Pourquoi deux? Ben parce qu'il y en a, y a eu la première passerelle, ça a fermé, puis ils ont réouvert à un moment donné. Il y a eu deux histoires de passerelles. D'accord. Ouais. L'autre est fermée il y a 2 ans. Ben avant la COVID. Oui, voilà, parce que c'est celui-là dont je parle. C'est celui d'avant, je ne devais pas connaître. Ouais, alors, la 2, voilà, avec Daniel. Oui. Et là, effectivement, à cette époque-là, pendant 2-3 ans, où j'allais beaucoup à la passerelle, et tout le monde se croisait, en fait. C'était ouais, tellement petit. Du coup, il y a un certain nombre de gens que je connais toujours et que je peux recroiser. Après, c'est vrai qu'avec le Covid au milieu, on n'a pas forcément toujours les occasions de se croiser. Ouais. Mais Catlory, ça fait partie des amis auteurs, compositeurs que je côtoie toujours. Après, il faut traîner hein, pour se revoir. Ouais, c'est ça le truc. Il faut traîner à droite à gauche. Vous croisez souvent sans savoir que l'autre est là. Ah, c'est toi. Ouais, c'est ça. Et après, en plus, Garance, par exemple, tu donnais comme exemple, elle est dans un appartement. Voilà, elle est dans un répertoire vraiment très chanson. Ouais. Moi, je suis un peu transversale, pop, ouais. Chanson. Donc, parfois, c'est pas exactement les mêmes lieux. J'ai écouté avant de te rencontrer sur YouTube. Je trouve qu'il y a certaines chansons, que, je sais pas si tu connais le groupe Autour de Lucie. Ah, il y a longtemps. Je me souviens plus, mais oui, je vois. Ah, il y a un petit côté techno avec des sons. Ah non, mais alors il y a un truc très drôle, du coup, ça me fait penser, ouais. Pas au niveau des arrangements, mais au niveau de la voix. Ouais. Un jour, il y a un ami, Wilfried, d'ailleurs, qui serait. Qui est le fils de Corbier qui sort un EP là, en oui, ce moment. Oui. Et qui imite très, très bien l'accent québécois. Ah oui. C'est très marrant. Et en fait, un jour, il y a quelques années, il m'avait dit, mais je sais à qui tu me fais penser, une voix vocale, ta cousine, c'est Catherine Major. Et c'est, alors du coup, j'étais allée écouter. Tu la connais ? Non, je ne la connais pas du tout, malheureusement. Mais j'aimerais bien la connaître. Et du coup, j'avais écouté pas mal ses albums. Et c'est vrai qu'elle a des intonations de voix. Ah, pas l'accent, hein, mais non. On l'entend pas trop quand elle chante l'accent. Mais elle a un peu le même, j'ai un peu le même grain. Très bizarre. Ouais, elle a fait, je crois, sept albums. C'est ouais. Sept albums, ouais. Incroyable. Ouais, super. Ouais. Top. Et à l'époque, j'étais au piano, donc du coup, il me disait, ah là, c'est trop marrant. C'est vrai, il y a une tessiture, en fait, un peu dans le même style. Mais tu la connaissais pas avant qu'il te la présente? Non. J'ai beau chercher, prendre mon élan. J'ai tout fait pour éviter les écueils, prendre l'oblique, idéaliste ou romantique. Et si t'as le cœur synthétique, c'est dans l'air du temps, dans la rythmique. Oui, mais le hic, si t'es pas Tinder, si t'es pas mythique, quelle époque épique. Oui, mais le hic, si t'es pas TikTok, si t'es pas geek, quelle époque épique. Je suis passagère, passeuse de mots, de phrases mélodiques. Un peu colère mais pacifique. Même si t'es pas fermé, pas hermétique. Quand t'es pas format, tu vas à contre-courant du trafic. Il y a ceux qui tombent à pic, pile dans les codes esthétiques. Oui, mais le hic, si t'es pas The Voice, rap ou lyrique. Mais quelle époque épique. Oui, mais le hic, si t'es pas TikTok, si t'es pas geek. Mais quelle époque épique. Quelle époque épique. Oui, mais le hic, quelle époque. Quelle époque épique. Si t'es pas je crois signer. Quelle époque. Oui mais le hic. Si t'es pas dans le chic. Si t'es pas TikTok. Si t'es pas geek. Quelle époque. Ta ligne de conduite pour te faire une place au soleil dans la mosaïque. Oui, mais le hic, faut le déclic, comprendre la mécanique. Quelle époque épique. Donc, le stress s'apaise quand les premiers mots arrivent. Dire, ben quand même, je suis pas si rouillé, puis tu reprends tranquillement. Ouais. C'est très bizarre, hein, d'ailleurs, la création. Ouais. On ne sait pas pourquoi ça vient. Non, non. Mais c'est. Est-ce que tu écris du premier jet ou si tu cogites longtemps, souvent, tu mets des projets qui ne fonctionnent pas de côté, tu reviens après, c'est besogneux ou ça. Ça peut ça être besogneux, moi. Ouais, ça peut être assez besogneux. Ouais. Ça vient rarement naturellement. Il y a que, ce qui vient naturellement pour moi, c'est les mélodies. OK. Les mélodies, mais une fois que j'ai la mélodie et après sa structure dans ma tête de la chanson, après, comme je disais un peu plus tôt dans l'interview, que le texte, il est une musicalité suffisante, ouais, et qu'il fonctionne, ça, je mets du temps. Donc je vais faire des fois premier jet, bon, je laisse, un mois après je reviens dessus, tac, et après j'arrive à finaliser. Ça peut être long. Mais par contre, les mélodies, non, c'est, pour moi, c'est assez rapide. Alors, depuis le début, tu fonctionnes à peu près avec la même structure, la même façon d'écrire, la même. Depuis le premier disque jusqu'à maintenant, c'est. Tu as assez confiance pour croire que tu peux remplir un CD, faire 10 chansons. Franchement, là, si tu me poses la question aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire un prochain album, en vrai. Okay. Mais, parce qu'il n'y a rien de prêt, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et je ne sais pas si je vais avoir les idées, est-ce que je peux aller plus loin. On peut toujours aller plus loin et ailleurs, mais. Est-ce que tu sens dans ce disque-là qu'il y a des chansons que tu préfères à d'autres? Ou si c'est comme des enfants, tu veux pas en choisir une parce que bon, toutes les chansons ont leur place. Il y en a qui ont de la difficulté à choisir. Hein, ouais, que... ben, je pense qu'il y a toutes les chansons ont leur place, ouais, mais il y a toujours des chansons qui nous touchent plus intimement. Ouais. Là, j'ai une chanson qui s'appelle L'Antichambre. Que j'ai écrite parce que j'ai perdu mon frère. Oh. Alors du coup, forcément, celle-ci, ouais, elle me fait quelque chose. Oh, ouais. Elle me fait quelque chose. Est-ce que tu la chantes ou si t'es pas capable, t'es trop... Si, j'ai déjà chanté, mais là, dernièrement, je l'ai pas chantée. Non. Alors, je l'ai pas chantée aussi parce que mes deux derniers concerts, ma mère est venue. Oh, ouais, concert, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue à cause, ouais, de tout ça. Et du coup, j'ai préféré, non, j'ai, non, j'avais non, pas non, envie de la jouer, mais je la jouerai à la release partie. Est-ce que tu vas essayer de te détacher, de la chanter sans trop y réfléchir? Non. Oui, souvent, c'est ce qui pour se passe, pas en trop, fait. Pour pas trop avoir la ouais, gorge nouée, puis ouais, ouais, finir avec un instrumental sans pouvoir enchaîner le reste. Non, on ne hein, sait pas comment ça va, ouais, se c'est passer. Ça, c'est ça. En plus, c'est l'émotion de la première, un lancement de disque, hein, l'émotion, et puis l'histoire qui est arrivée dramatique, malheureusement. Ouais. C'est ça. Mais après, je me dis, ce qui est positif quand même, s'il y a quelque chose de positif, c'est de se dire qu'on a quand même réussi à faire, à exprimer quelque chose autour de ce thème. D'un événement aussi. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et qui va parler à d'autres gens, parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est quand je l'ai déjà fait écouter, du coup, puisqu'elle est enregistrée. Est-ce que ta mère l'a entendue? Alors, elle l'a entendue, mais ouais, je me suis dit quand même que je fasse écouter. Ouais. Elle a bien réagi, mais elle a pas trop. Je crois qu'elle a pas. Peut-être elle a fait un peu exprès. Elle a pas trop réfléchi. Écouté le texte. Okay, ouais, elle est restée un peu. Ouais. Ouais. Parce que ça peut être. Après, le texte justement, il est assez imagé, donc c'est vrai qu'il faut un peu tendre l'oreille pour. Il y a beaucoup de métaphores pour amoindrir. Oui, c'est ça, parce que j'aime pas être trop. Non, réaliste. Oui. Ouais. J'ai pas envie. L'idée, c'est pas de faire pleurer non plus. Non. Juste... Mais quoi que, quand c'est quelque chose de tragique, il y a toujours quelque chose de positif, malheureusement, dans quelque chose. Oui. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Jus d'orange. Ah, pas. Non, tu n'es pas obligé de répondre aussi rapidement que ça. J'adore jus d'orange. Okay. Si tu étais une époque. J'ai du mal à me dire qu'on pourrait être dans une autre époque. Mais là, c'est vrai que c'est tellement le bazar. Est-ce que c'était mieux les années 70, peut-être? Pour rencontrer Janis Joplin, peut-être? Peut-être. Jimi Hendrix? Oui. Si tu étais un mot? Un mot? Émotion. Si c'est bien quand tu fais un spectacle, de voir l'émotion des autres. Il y a ça, et puis j'ai l'impression que ce qui me fait marcher dans la vie, ce qui me fait avancer, c'est l'idée d'avoir des émotions. Des émotions fortes. Par ailleurs, en plus de la musique, par exemple, ma passion, c'est le cheval. C'est-à-dire que je fonctionne que en passion. En fait. Oh, ok. Ouais, et dans les relations avec les gens, c'est un peu pareil. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais du coup, c'est le premier mot qui est bien. Est-ce que tu préfères des spectacles en salle ou à l'extérieur? Ah, c'est intéressant ça. Peut-être plus à l'intérieur, tiens. Parce que le son est plus... Ouais, exactement. L'éclairage aussi. Ouais, en fait, j'aime bien quand on sent... J'aime bien quand il y a cocon. Le son. Le cocon, j'aime bien quand il y a les lumières, genre ça. C'est vrai que j'aime bien quand c'est quand même... Quand je dis électrique, quand c'est sonorisé. C'est-à-dire que même si c'est très sympa, par exemple, de jouer dans un endroit même pas amplifié, par exemple avec un guitariste ou un piano, j'aime bien ce côté convivial, mais souvent j'aime... Ce que je préfère, c'est quand ça ressemble vraiment à de la scène, concert, spectacle. Il y a du son assez fort, il y a la lumière, et qu'on est dans une atmosphère, en fait. Ah oui. Mmh. Si tu étais un aliment? Un aliment? Fromage de brebis. Oh oui, c'est vrai, c'est bon. C'est très crémeux. Si tu étais une saison? Printemps. C'est moins chaud, hein? J'aurais dit l'été, il y a quelques années, mais maintenant il fait trop chaud. Ouais. Donc, printemps. Si tu étais une couleur? Rouge. Ah oui, ben oui, t'es ouais, oui, exactement. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ouais, je ferais le même chemin. Après, quand on regarde un peu en arrière, je me dis, pourquoi j'ai pas commencé la basse à 12 ans, alors que j'ai commencé adulte, etc. Pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça? Parfois, on peut avoir quelques regrets sur la manière dont on a fonctionné, mais non, je peux pas regretter, parce que j'ai toujours suivi, mes passions et mon intuition. Après, parfois, je me suis trompée, mais... On se trompe toujours, hein? On se trompe toujours, mais non, je ne regrette pas. Si tu étais un autre individu? Ah, c'est dur, ça. Non, je ne crois pas que je pourrais être un autre individu. J'arrive pas à le projeter. Si tu étais une ville? Une ville? C'est la première idée qui me vient, San Francisco. Tu n'as jamais mis les pieds? Ah, j'adore. Ah, tu as mis les pieds? Ouais. Ah ouais, et puis t'as j'ai adoré, mais ça fait longtemps que je suis pas allée. Et qu'est-ce qui t'a plu? Ce qui m'a plu, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de liberté dans cette ville. Je sais pas si c'est vrai. Il y avait un côté européen, étonnamment, et en même temps avec le côté américain. Tony Bennett, entendu Tony Bennett dans cette chanson-là, la chanson San Francisco. Ouais. Tu la connais? Ouais. Je trouve que ça donne toute l'amplitude de la ville. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une ville très sportive. On dirait qu'il y a une qualité de vie, beaucoup de culture. Ouais. L'espace, et puis, je sais pas pourquoi je dis ça, l'espace, mais c'est ça qui me vient. Et puis. Je sais pas, on mange bien, il y a un côté... on dirait qu'il y a une douceur de vivre là-bas et en même temps une énergie. Ouais. Alors, il y a une énergie sûrement... Pour parler des États-Unis, il y a une grosse énergie à New York. Mais à l'époque, quand j'étais allée à New York, j'avais moins accroché. T'avais moins flashé. Ouais. Si t'étais un membre corporel... C'est étrange comme question. Une épaule. Ah oui. Pour que quelqu'un puisse s'appuyer dessus et pleurer. Peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur la chanson de Bernard Sampan. Ouais. Ouais. Une nuit, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de projets ou si tu essaies de te focaliser sur ce qu'il y a aujourd'hui et maintenant? Si tu pars partout, t'as plein de. Non, moi justement, comme je suis très passionnée en général, j'ai un seul projet. Mais par contre, autour de ce projet, plein de perspectives et d'envies. D'ouverture qui peuvent... voilà, etc. Mais non, en général, je ne m'éparpille pas trop. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de bien dans les prochaines années, dans les prochains mois? Que l'album fonctionne bien? De faire beaucoup de concerts, de trouver un booker. Okay. Ah, t'en as pas? Non. Ouais. Il y en a plusieurs qui n'en ont pas. Garance en est une qui en a. Ouais. Elle fait beaucoup de dates qui... pour autant, mais... Ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est elle qui les fait. Ouais, je sais. C'est beaucoup de travail. Ouais. C'est beaucoup de travail bureaucratique, artistique et tout le reste. Ouais, c'est ça, on est des... Des infatigables. Des entrepreneurs et des infatigables ouais. entrepreneurs, tout c'est à fait. C'est pas mal, hein. Ouais. Ouais. C'est déjà trop peut-être parce que... Mais en même temps, ça amène autre chose, c'est-à-dire que ça repose de la création. Quand tu es dans la création, après ça, tu ne penses plus au fait de la bureaucratie. Après, tu fais de la promo, après, tu fais tes réseaux, après, tu fais... Mais ça m'arrive quand même à certains... Il y a des trucs qui sont assez drôles même à faire. Je dis, moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux, qui s'appelle Anne-Laure Bichet, voilà, qui fait tout, toute ma com et tout. C'est super, donc on travaille ensemble, mais c'est elle qui fait. Et ça me décharge énormément. Mais, oui. Mais parfois, ça m'amuse même quand il y a un concert ou quoi, de faire certains trucs. Mais parfois, je me dis, c'est quand même beaucoup de temps qu'on ne passe pas à travailler l'instrument, à travailler la voix, à faire de nouvelles chansons et à avancer par là. Du coup, parfois, c'est un peu trop. Ouais. Et notamment la recherche de concerts. Ça, as-tu fait entendre ton disque avant de se quitter? As-tu fait entendre ton disque à des proches parce qu'il n'est pas sorti? Là? Non, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Non. Ça reste encore pas tellement, non. Ouais, j'ai pas tellement fait. Non, à part mon attaché presse. Okay. Et moi qui vais l'écouter tout à l'heure. Avec plaisir. Mais faut que je te donne le lien. Ok, oui, oui. Ouais, j'ai aucun problème. Ça va être oui, transfert. C'est sur mon drive. Okay. C'est un accès à mon drive. Ok, okay, okay, okay, parfait. Si tu veux. Et puis donc, écoute, je te souhaite grand succès pour ce disque-là. Je vais te faire connaître aux Québécois. Et la bouteille à la mer est lancée. Yeah, donc, ce sera présenté en 2024, je ne sais pas quand, je vais voir mais ça. Mais tu sais, et du coup, toi, tu fais quoi exactement? Ouais. Tu fais quoi? C'est quoi? C'est une émission? Ah oui, c'est ça. Mais en fait, c'est KRL. Ah, ben, on va se dire à la revoyure parce qu'ils connaissent la rengaine depuis des années. Et normalement, les artistes me demandent cette question-là. Puis le public, je pense, en aura le bol d'entendre ce que c'est. Sûr, c'est sûr. Hey, à la revoyure! J'ai pas trouvé de dernier mot. Assez grand, assez beau. On a planqué le désespoir derrière l'armure mise sous le manteau. Si j'ai fait mine de ne pas vraiment te dire au revoir, j'ai su que je t'emmènerais dans mes chansons, dans ma mémoire. Photomaton, photo de saison, instantané qui en dit long. De nos plus belles années, on entend l'unisson. Aussi loin mais si proche, sans en avoir l'air. Sans doute que les liens du sang se passent de commentaires. Ça ressemble à s'y méprendre à l'antre de la salle d'attente. On ne danse plus dans l'antichambre. On ne danse plus, il va neiger avant septembre. Des vallées de Bourgogne au solstice d'été. Je ne vois que la terre brûler un bout d'éternité. Du haut de son perchoir, la mariette en noir. Et nos enfants qui s'enfuient là, au bout du couloir. Ça ressemble à s'y méprendre à l'antre de la salle d'attente. On ne danse plus dans l'antichambre. On ne danse plus. Il va neiger avant septembre. On ne danse plus, on ne danse plus. distingue plus bien le phare. À l'épilogue, faudra-t-il, à la fin de l'histoire, dans nos chagrins cartés, poésie ordinaire, d'une éclaircie, d'un balcon sur la mer. Il se fait sombre dans le huis clos, la salle d'attente. On ne danse plus dans l'antichambre. Chers amis, si... si je vous... si je vous ai bien compris... si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.